Chapitre 2. Une vision à Hanefer. La supposition que le mandat disparu avait été changé en bon argent le samedi soir se trouva exacte. Blanc le boucher, bon gros homme à la chevelure lustrée, l'avait escompté et gardé dans sa caisse. M. Delve se rendit chez lui le mardi suivant. « J'ai entendu dire que vous aviez encaissé un billet de M. Duns samedi soir, commença-t-il. Qui vous l'avait apporté ?»« Oh, encore ce billet ?» fit le boucher. « Un de vos hommes est déjà venu me faire sur ce billet une foule de questions. »« Je le crois bien, » dit le sergent. « C'est un mandat qui était volé à M. Ashley. »« Volé à M. Ashley ?» répéta le boucher en regardant avec étonnement le sergent. « Volé dans son secrétaire, et vous courez fort la chance de le perdre, Blanc. Vous auriez dû y faire plus attention. Qui vous l'a apporté ?» un monsieur comme il faut. » Qu'est-ce qui prétend que ce mandat a été volé ? Moi, répliqua le sergent en s'asseyant sur l'étal encore humide. Delves aimait fort à avoir l'air protecteur et familier avec ses anciens amis de Halstonleigh. Il n'y avait que peu de temps qu'il avait été promu au grade de sergent. Voyons, les détails, Blanc. Je venais de fermer ma boutique. La porte seule était entr'ouverte, quand arrive un monsieur en manteau et un chapeau. Voudriez-vous obliger les messieurs Duns en leur escomptant ce billet ? Oui, monsieur, lui dis-je, je suis très heureux de pouvoir leur être agréable. Préférez-vous de l'or ? Il me répondit que oui, et je lui en donnai. Merci, me dit-il. J'aurais été encore plus près si j'avais pu, car je souffre à mourir d'un mal de dents, mais les boutiques sont fermées. Et je remarquai qu'en effet, il tenait son mouchoir blanc sur sa bouche et sur son nez. Il sortit avec l'or, et je serrai le billet. Voilà tout ce que je sais, Delves. Ne savez-vous pas qui est ce monsieur ? Non, il avait une casquette dont les oreilles lui tombaient sur les joues, je ne pouvais guère distinguer sa figure. La boutique était sombre, le gaz était éteint, il n'y avait qu'une chandelle sur le comptoir. Si un homme entrait déguisé de la sorte, demanda à changer un mandat, j'aurais tout de suite dans l'idée qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous, s'écria le sergent. Je ne savais pas qu'il était déguisé, objecta le boucher, j'ai vu que c'était un billet des Duns et je n'ai pas songé à autre chose. J'ai déjà eu de leur mandat entre les mains. Voilà 20 ans que ces messieurs se servent chez moi. Mais maintenant que vous m'y faites penser, je commence à croire qu'effectivement l'homme qui m'a présenté le billet était déguisé. Sa voix était très basse et il parlait comme s'il avait eu des prunes dans la bouche. Le reconnaîtriez-vous ? Oui, c'est-à-dire s'il revenait habillé comme il l'était alors. Je reconnaîtrais le manteau entre 1000. C'était un de ces vieux Rockloves. Rocklore, corrigea le sergent. Oui, c'est cela. Le col était bordé de rouge avec une petite bande de fourrure tout autour. Il n'y a plus beaucoup de ces manteaux dans la ville. Quelle heure était-il ? 11 heures juste. J'allais fermer. Le sergent Delves prit le billet et se rendit au bureau de M. Dare. Une longue conférence suivit, à l'issue de laquelle ils allèrent tous les deux à la manufacture de M. Ashley. Chemin faisant, ils rencontrèrent Cyril. M. Dare le tira à part. « Connais-tu quelqu'un qui possède un Rockloff ? » lui demanda-t-il. « Halliburton en porte un, » répondit Cyril. « C'est le manteau le plus comique qu'il soit possible de voir. » « Qu'est-ce que le Védels fait donc avec vous ?»« Pas grand-chose, » répondit négligemment M. Dare. « Il s'est occupé d'une petite affaire qui m'est particulière. »« Oh, c'est tout. » Et Cyril, rassuré, continua sa course pour des raisons à lui bien connues. Il ne lui aurait pas été agréable que le sergent eût à s'occuper de l'affaire du billet. Il fit la commission dont l'avait chargé Samuel Lynn, revint, passa à la manufacture et se rendit à Hanefer pour y faire l'achat d'un chien qui l'avait séduit et que le propriétaire n'avait pas voulu lui céder. Cyril allait essayer de nouveau la puissance de son éloquence. Comme il traversait rapidement Hanefer, il aperçut de l'autre côté de la route une jeune femme en robe déchirée, dont la figure se cachait à moitié sous son bonnet et qui marchait aussi vite que lui. Sa tête baissée, son attitude humble, son air inquiet, sa hâte, tous ces signes témoignaient qu'elle n'était pas en odeur de sainteté. Les femmes qu'il a rencontrées détournaient la tête, puis se retourner pour la regarder d'un air de dédain. Il était difficile de reconnaître dans ses yeux étincercles de noir, dans ses joues pâles, dans ce corps amaigri, la fraîche et florissante Caroline Mason d'autrefois. Elisa Tyrrell sortit d'une maison et se trouva face à face avec elle, et Elisa serra ses jupes, de peur d'effleurer celle de la malheureuse, passant lui jetant un coup d'œil de mépris. Caroline pencha la tête encore plus bas, en s'éloignant de son ancienne amie. Il eut tout autant valu que, plusieurs années auparavant, Charlotte Matisse n'eut pas renvoyé ce paquet qui avait causé tant de surprises à Anthony Dare. Il y avait des années aussi que Charlotte avait tiré la même conclusion.